Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité, livre 2e, mission et apparition. Chapitre 16, comment Moïse a-t-il vu Dieu? Le passage suivant du même livre de l'Exode ne laisse pas aussi d'embarrasser quelques esprits. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Et de son côté, Moïse lui disait, « Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce devant vous, faites que je vous voie et que je vous connaisse, et que je trouve grâce devant vos yeux, afin que je sache que cette multitude est votre peuple. » Peu après, il dit encore à Dieu, « Je vous supplie de me faire voir votre gloire. » Exode 33, 11, 13, 18. Et quoi? Dans les diverses apparitions que j'ai rapportées, quelques-uns ont cru faussement que l'essence divine se rendait visible, et que le Fils de Dieu se manifestait par lui-même et non par l'intermédiaire des créatures. Et quant à ce qui est dit de Moïse qu'il entra dans la nuée, ils l'ont expliqué en ce sens, qu'à l'extérieur le peuple n'apercevait qu'une nuée ténébreuse, tandis qu'au-dedans de cette même nuée, Moïse contemplait la face du Seigneur et entendait sa parole. C'est le témoignage de l'écrivain sacré, qui dit, que le Seigneur parla à Moïse face à face, et comme un ami parle à son ami. Mais voilà que ce même Moïse dit au Seigneur, « Si j'ai trouvé grâce devant vous, faites que je vous voie manifestement. » Il comprenait donc qu'il n'avait sous les yeux qu'une image corporelle, et il désirait contempler l'être spirituel et invisible. Il est vrai que la parole du Seigneur était douce et familière comme celle d'un ami qui parle à son ami. Mais jamais un homme n'a vu des yeux du corps ni Dieu le Père, ni le Verbe, qui au commencement était avec Dieu, qui était Dieu, et par qui toutes choses ont été faites. Jean 1, 1, 3. Ni l'Esprit Saint, qui est l'esprit de sagesse? Quel est donc le semi de cette prière? Montrez-vous manifestement à moi, afin que je vous voie. Évidemment Moïse veut dire, Seigneur, découvrez-moi votre essence divine. Sans cette parole, on eût pu excuser la témérité de ceux qui soutiennent que Moïse contempla réellement l'essence divine par l'intermédiaire des divers prodiges qui s'accomplirent sur le Sinaï. Mais quand nous l'entendons ici formuler un désir qui ne doit pas être exaucé, oserions-nous encore affirmer que sous ces diverses formes, qui frappaient sensiblement ses regards, ce n'était point des créatures visibles et matérielles qu'il apercevait, mais bien l'essence divine. Au reste, les paroles suivantes de Dieu à Moïse confirment ce raisonnement. « Tu ne pourras, lui dit-il, voir ma face, car l'homme ne me verra point sans mourir. » Et il ajouta, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras là, sur ce rocher. « Lorsque ma gloire passera, je te placerai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que ma gloire soit passée. Ensuite je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais il ne te sera point donné de voir ma face. » Exode 33, 20, 23. Chapitre 17. Voir Dieu par derrière. Cette expression, « tu me verras par derrière », peut s'entendre très convenablement de notre Seigneur Jésus-Christ, et marquer ainsi la chair en laquelle il est né de la Vierge Marie, est mort et ressuscité. Et en effet le mystère de l'incarnation, par lequel le Verbe s'est fait homme, ne s'est accompli que vers la fin des siècles, tandis que ce même Verbe, considéré comme la face de Dieu, existe de toute éternité. Mais en tant qu'il n'y a point en lui usurpation de se dire l'égal de Dieu le Père, jamais l'homme n'a pu le voir sans mourir. Si vous m'en demandez la raison, je vous répondrai tout d'abord qu'après cette vie où nous sommes éloignés du Seigneur, Et où le corps qui se corrompt appesantit l'âme, nous le verrons, face à face, selon l'expression de l'apôtre. C'est en parlant de cette vie mortelle et terrestre, que le psalmiste a dit que, tout homme vivant n'est que vanité, et encore, que nul homme vivant ne se justifie devant le Seigneur. Psaume 38, 6, 142, 2. Dans cette vie, dit également l'apôtre Saint Jean, ce que nous serons un jour ne paraît pas encore, mais nous savons que, quand le Christ viendra dans sa gloire, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Or, qui ne comprend que l'apôtre désigne ici cet état heureux où la mort et la résurrection doivent nous établir? J'observe en outre, qu'autant ici-bas nous pénétrons en la connaissance de la sagesse divine, qui a fait toutes choses, autant nous mourrons aux affections de la chair. Ainsi, de jour en jour le monde meurt à notre égard, et nous mourrons au monde, en sorte que nous pouvons dire avec l'apôtre, « Le monde est crucifié pour moi, et je suis crucifié pour le monde. » Galates 6, 14. C'est encore de cette mort que le même apôtre a dit, « Si vous êtes mort avec Jésus-Christ, pourquoi agissez-vous comme si vous viviez dans le monde ?» Colossiens 2, 20. C'est aussi que nul homme ne peut voir, sans mourir, la face, c'est-à-dire la manifestation pleine et entière de la sagesse divine, car c'est là cette vision béatifique, après laquelle soupire tout homme qui s'étudie à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et qui aimant ses frères comme lui-même, s'efforce, autant qu'il est en lui, de les amener au même bonheur. Et, n'est-ce pas en ce double amour de Dieu et du prochain que sont renfermés la loi et les prophètes? Au reste, Moïse nous en offre un bel exemple, car, tout brûlant d'amour pour le Seigneur, il dit d'abord, « Si j'ai trouvé grâce devant vous, faites que je vous voie et que je vous connaisse, afin que je trouve grâce devant vos yeux. » Et puis il ajoute immédiatement, comme preuve de son amour pour ses frères, « Faites aussi que je connaisse par là que toute cette multitude est votre peuple. » Telle est cette vision béatifique qui ravit toute âme du désir de la posséder. Mais ce désir est d'autant plus ardent en nous que notre vie est plus pure, et la pureté de celle-ci s'augmente selon nos efforts pour nous élever à la spiritualité, de même que nos progrès dans cette dernière voie se mesurent sur notre mort, plus ou moins parfaite, aux affections de la chair et du sang. Nous ne saurions donc, tant que nous sommes éloignés du Seigneur, et que nous n'allons à lui que par la foi, sans le voir encore à découvert. 2 Corinthiens 5, 6, 7, nous ne saurions voir le Christ que par derrière, c'est-à-dire en sa chair. Et même, pour obtenir cette vision, il nous faut, à l'exemple de Moïse, demeurer ferme sur le rocher de la foi, d'où nous la contemplerons comme d'un lieu sûr et inexpugnable, c'est-à-dire du sein de l'Église catholique, dont Jésus-Christ a dit qu'il l'établirait sur la pierre. Au reste, notre amour pour Jésus-Christ et notre désir de voir sa face sont d'autant plus grands en nous, que nous connaissons mieux combien le premier il nous a aimés en sa chair. J'ajoute que notre salut et notre justification s'opèrent par la foi en sa résurrection selon cette même chair. Car, nous dit l'apôtre, si vous croyez de cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ après sa mort, vous serez sauvés. Et encore, Jésus-Christ a été livré à la mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre justification. Matthieu 16, 18. Sa résurrection selon la chair est donc le mérite de notre foi. Et en effet, Les Juifs croient bien qu'en cette chair il est mort sur la croix, mais ils rejettent le dogme de sa résurrection. Nous, au contraire, nous y adhérons fermement, parce que nous sommes établis sur la pierre ferme. C'est pourquoi nous attendons d'une espérance certaine l'adoption des enfants de Dieu, qui sera la délivrance de nos corps. Romains 8, 23. Car cette plénitude de perfection que la foi nous montre en Jésus-Christ, qui est le chef des élus, doit aussi se réaliser en nous qui sommes les membres de son corps mystique. Aussi veut-il ne se montrer à nous par derrière, qu'au moment où sa gloire passera, afin que nous croyions à sa résurrection. Le mot « Pâques » signifie en hébreu « passage », et c'est à ce sens que fait allusion l'évangéliste saint Jean, lorsqu'il dit « qu'avant la fête de la Pâque, Jésus-Christ sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père. » Jean 13, 1. Toutefois, il est important d'observer que les hérétiques et les schismatiques qui professent ce dogme de la résurrection en dehors de l'Église catholique, ne voient point par derrière le Sauveur Jésus du lieu qui est près de lui. Ce n'est pas, en effet, sans une intention particulière que le Seigneur dit à Moïse « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras là sur ce rocher. » Quel lieu terrestre est plus rapproché du Seigneur? Être rapproché de lui, c'est le toucher spirituellement. Car, autrement, quel lieu n'est près du Seigneur, puisqu'il atteint avec force d'une extrémité à l'autre, et qu'il dispose toutes choses avec douceur? N'est-ce pas encore de lui que le prophète a dit que, le ciel est sa demeure, et la terre l'escabeau de ses pieds? Et lui-même ne nous dit-il pas, « Quel palais pouvez-vous me bâtir, et quel est le lieu de mon repos? Tout ce qui existe, ma main l'a fait. » Isaïe 66, 1, 2. Ainsi le lieu qui est tout spécialement près du Seigneur, et dans lequel nous nous tenons sur la pierre ferme, est l'Église catholique. C'est là que celui qui croit à la résurrection de Jésus-Christ contemple la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire son passage, et il le voit lui-même par derrière, c'est-à-dire en la réalité de son humanité. Tu te tiendras là sur ce rocher, dit le Seigneur à Moïse, lorsque ma gloire passera. Et en effet, quand la gloire du Seigneur Jésus passa devant nos yeux dans le mystère de la résurrection et dans celui de l'ascension, nous fûmes solidement établis sur la pierre. Pierre lui-même fut confirmé dans la foi, en sorte que, désormais, il prêcha courageusement celui qu'il avait auparavant renié par crainte et par faiblesse. Sans doute, par le fait seul de sa vocation à l'apostolat, il avait été placé dans un creux du rocher, mais le Seigneur le couvrait de sa main, et l'empêchait de voir. Certainement, il devait un jour voir le Seigneur par derrière, mais plus tard, parce que Jésus-Christ n'était pas encore passé de la mort à la vie, et qu'il n'était pas encore entré en possession de la gloire de sa résurrection. Nous trouvons aussi un sens figuratif dans les paroles suivantes du livre de l'Exode, « Je te couvrirai de ma main, dit le Seigneur à Moïse, jusqu'à ce que ma gloire soit passée. Ensuite, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. » Exode 23, 22, 23. Nous savons, en effet, que beaucoup d'entre les Juifs, figurés alors par Moïse, crurent en Jésus-Christ après sa résurrection. Et ils le virent par derrière, parce que le Seigneur avait retiré sa main de devant leurs yeux. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe, dont l'évangéliste saint Matthieu rapporte les paroles. « Le cœur de ce peuple, dit-il, s'est aveuglé, ses oreilles sont appesanties, et ses yeux sont fermés. » On peut aussi, et non sans vraisemblance appliquée à ce même peuple cet autre passage des psaumes. Votre main s'est appesantie sur moi jour et nuit. Jean 6, 10. Le jour ne signifierait-il pas ici les miracles que Jésus-Christ faisait au public, et que les Juifs ne voulurent point reconnaître? Et la nuit ne marquerait-elle point la passion du Sauveur, quand ces mêmes Juifs le crurent véritablement mort comme un simple homme? Mais, lorsqu'il fut entré en sa gloire, ils le virent par derrière. Car l'apôtre Saint-Pierre leur ayant annoncé qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscitât, ils furent touchés de repentir et de compunction. Ils demandèrent donc le baptême, et en le recevant ils virent se réaliser pour eux cette parole du même psaume. Heureux ceux auxquels leurs iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Aussi ce même peuple, qui a dit en la personne du psalmiste, « Seigneur, votre main s'est appesantie sur moi jour et nuit, s'empresse-t-il, dès que le Seigneur a retiré sa main, et qu'il l'a vu par derrière, de faire entendre un cri de douleur et de repentir. Bien plus, il réclame le pardon de ses péchés au nom et par les mérites de sa foi en la résurrection de Jésus-Christ. « Je me suis tourné vers vous, dit-il, dans mon affliction, et sous la pression de l'épine. Je vous ai déclaré mon crime, et je ne vous ai point caché, mon iniquité. J'ai dit, je confesserai contre moi mes prévarications au Seigneur, et vous m'avez remis l'impiété de mon cœur. » Psaume 31, 4. Cependant nous ne devons pas nous enfoncer si profondément dans les ténèbres de la chair, que nous pensions que le même Dieu qui nous cache sa face, se laisse voir par derrière. Car nous l'avons vu de ces deux manières, lorsqu'il s'est montré à nous sous la forme d'esclave, et quant au Verbe divin qui est la sagesse de Dieu, ce serait un blasphème de dire que, comme l'homme, il se présente tantôt de face. Et tantôt par derrière, ou d'affirmer qu'il change d'aspect et qu'il est soumis aux diverses influences du mouvement, du lieu et du temps. C'est pourquoi il vous est sans doute permis de dire que notre Seigneur Jésus-Christ se montrait dans les différents prodiges qui sont racontés au livre de l'Exode. Vous pouvez même soutenir, comme tout semble l'indiquer, que le Fils de Dieu parut seul, ou présumer que ce fut le Saint-Esprit, ainsi que je l'ai insinué. Mais il serait téméraire d'en conclure que jamais Dieu le Père ne s'est montré au patriarche sous une forme sensible et matérielle. Et en effet, dans un grand nombre d'apparitions, l'on ne saurait spécifier à laquelle des trois personnes divines, le Père, ou le Fils, ou l'Esprit Saint, elle se rapporte. Néanmoins il existe à cet égard de telles probabilités, qu'il serait par trop téméraire d'affirmer que jamais Dieu le Père ne s'est montré au patriarche ou au prophète sous une figure sensible. Cette opinion n'a été émise que par ceux qui n'ont pu comprendre, qu'on doit appliquer aux trois personnes en unité de nature ces paroles de l'apôtre, au roi des siècles, au Dieu qui est l'immortel, l'invisible, l'unique, honneur et gloire. Et encore, aucun homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. 1 Timothée 1, 17, 6, 16. Et en effet, la foi orthodoxe entend ce passage de la substance divine, qui est souverainement une et immuable, et en laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul et même Dieu. C'est pourquoi lorsque le Dieu invisible et immuable de sa nature a daigné employer la créature pour apparaître sous des formes visibles et matérielles, il ne s'est point montré tel qu'il est. Ces formes ont seulement révélé sa présence selon l'opportunité des choses et des circonstances. Chapitre 18. Vision de Daniel. Mais en vérité, je ne sais comment mes adversaires expliquent la vision où l'Ancien des Jours apparut à Daniel. Car c'est de lui que le Verbe divin, qui par amour pour nous a daigné se faire fils de l'homme, a reçu le sceptre et la puissance, selon cette parole qu'il lui adresse au psaume 2. Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui. Demandez-moi et je vous donnerai les nations pour héritage. Psaume 2, 7, 8. Aussi le psalmiste dit-il dans un autre endroit, que le Père a soumis toute chose au Fils. Psaume 8, 8. Or, si Dieu le Père qui donne le royaume, et si Dieu le Fils qui le reçoit, se sont montrés à Daniel sous une forme corporelle, il n'est plus permis d'affirmer que le Père n'a jamais apparu au prophète, et que c'est de lui seul, comme de l'unique invisible que l'apôtre a dit, qu'aucun homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. Au reste, voici le récit de Daniel lui-même. Je regardais, dit-il, jusqu'à ce que les trônes fussent placés, et l'Ancien des Jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige. Ses cheveux, comme une laine brillante, son trône, comme une flamme ardente, et les roues de ce trône, comme un feu brûlant. Et un fleuve de feu sortait rapidement de sa face. 1 000 000 000 d'anges le servaient, et 10 000 000 000 se tenaient devant lui. Le jugement commença et les livres furent ouverts. Je regardais donc, ajoute le prophète, en la vision de la nuit, et voici comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées du ciel, et il s'avança jusqu'à l'Ancien des Jours, et on l'offrit en sa présence. Et il lui donna la puissance et l'honneur et le royaume, et tous les peuples de toute tribu et de toute langue le serviront. Sa puissance est une puissance éternelle, qui ne sera point transférée, et son règne ne sera point affaibli. Daniel 7, 9 à 14. Certes, voilà bien le Père qui donne au Fils un royaume éternel, et le Fils qui le reçoit, et tous deux se montrent visiblement au regard du prophète. Il nous est donc permis de conjecturer avec raison que Dieu le Père a pu, lui aussi, apparaître aux hommes. Mais peut-être dira-t-on encore que le Père est invisible, parce qu'il se montra au prophète pendant son sommeil, tandis que le Fils et le Saint-Esprit sont visibles, parce que Moïse les vit étant éveillé. Et peut-on croire que Moïse ait vu des yeux du corps l'essence même du Verbe qui est la sagesse de Dieu? De plus, si nous ne pouvons voir ni l'âme qui anime le corps de l'homme, ni ce souffle sensible et corporel qu'on appelle vent, combien moins encore cet Esprit de Dieu, qui par l'ineffable prérogative de sa nature divine surpasse l'intelligence des anges et des hommes. Car je ne saurais supposer que mes adversaires s'égarent jusqu'à dire qu'à la vérité le Fils et l'Esprit Saint se montrent aux hommes dans l'état de veille, mais que Dieu le Père ne peut leur apparaître que durant le sommeil. Comment donc entendent-ils du Père seul cette parole de l'apôtre, « Aucun homme ne l'a vu, ni ne peut le voir » Est-ce que l'homme cesse d'être homme parce qu'il est endormi? Ou bien le même Dieu qui peut se montrer pendant le sommeil dans les fantômes d'un rêve, ne pourrait-il donner à ces fantômes un corps et une réalité pour nous apparaître dans l'état de veille? Au reste, l'essence divine, qui est la nature même de Dieu, ne saurait être aperçue ni dans le sommeil sous une image quelconque, ni dans l'état de veille sous une forme corporelle et sensible. Or, cela est vrai non seulement du Père, mais encore du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant je m'adresse à ceux qui soutiennent que dans l'état de veille, le Fils seul, ou l'Esprit Saint, et non le Père, se sont montrés aux hommes sous une forme corporelle. Je pourrais sans doute leur demander comment, En présence des textes si larges et si explicites de nos saintes écritures, et en face des interprétations si multipliées qu'on en donne, ils osent raisonnablement affirmer que jamais dans l'état de veille aucun homme n'a vu le Père. Mais je laisse cette objection pour ne leur citer que l'exemple d'Abraham, notre Père. Certes, il était bien éveillé, et il vaquait à ses travaux, lorsque l'Écriture dit que le Seigneur lui apparut. Or, dans cette apparition, il ne vit pas un ou deux anges, mais trois, et de ces trois nul n'affecta sur les deux autres quelque prérogative de dignité, ni ne réclama quelque distinction d'honneur ou quelque supériorité dans le commandement. Je m'étais proposé de rechercher dans ce livre trois choses. La première, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont apparu simultanément, et sous une forme corporelle aux patriarches et aux prophètes. La seconde, si dans ces diverses apparitions c'est une seule des trois personnes qui se soit montrée à l'exclusion des deux autres. Et la troisième, si dans quelques-unes de ces manifestations nous ne devons pas abandonner la distinction des personnes, et n'y voir que le Dieu unique, c'est-à-dire la Trinité tout entière. Pour réussir dans cette triple recherche, j'ai étudié les divers passages de l'Écriture qui se rapportaient à mon sujet, et cette étude m'a convaincu, autant que le permet une modeste et saine appréciation des secrets divins, qu'on ne saurait sans témérité déterminer laquelle des trois personnes de la Sainte Trinité s'est montrée aux patriarches et aux prophètes, sous une forme corporelle, ou sous une image sensible, à moins que l'ensemble du contexte ne nous fournisse à cet égard quelques notions bien précises. Car pour ce qui est de la nature, ou de l'essence, ou de la substance divine, c'est-à-dire pour ce qui est de Dieu en tant qu'il est Dieu, quelque nom qu'on veuille lui donner, il est certain qu'il ne peut être vu corporellement. Mais on doit croire que le Père, non moins que le Fils et l'Esprit Saint, a pu révéler sa présence aux hommes par l'action d'une forme corporelle ou d'une image sensible. C'est pourquoi, craignant d'allonger outre mesure ce second livre, je réserve pour les suivants les développements de ce sujet. Markemdanarchive.org, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.